11, 19, observation, quel exclamatif. Quel ciel! Quel beau nuage! Quelle belle matinée! Quelle belle fleur! Quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède.